franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire, consacrée aujourd'hui à la naissance d'un vilain petit canard, il y a 100 ans, au beau milieu de la Première Guerre mondiale, le canard enchaîné. Juillet 1916, depuis 6 mois, les poilus et leurs ennemis allemands connaissent l'enfer à Verdun. Un autre front vient de s'ouvrir sur la Somme, déjà très meurtrier. Si l'heure est tragique, l'urgence est de ne pas démoraliser les troupes et rien ne doit entamer la confiance inébranlable dans la victoire. Surtout pas les journaux. Mais en juillet 1916, un petit vent de vérité et de liberté, espiègle et revigorant, se met soudain à souffler sur la presse parisienne. Notre histoire commence rue de Bondy, une petite rue qui serpente entre la République et la Porte Saint-Martin. Le quartier de la presse, on n'est pas loin du siège de l'Humanité et du Café du Croissant, où 2 ans plus tôt, Jean Jaurès a été assassiné. C'est aussi le quartier des spectacles, le théâtre de l'Ambigu, le théâtre Antoine. Un mélange des genres qui n'est sans doute pas pour déplaire au journaliste Maurice Maréchal et à Henri-Paul Gassier, dessinateur et habitué du cabaret du Chat Noir. C'est rue de Bondy, dans un 3 pièces cuisine, les toilettes sont sur le palier, que les 2 compères, en compagnie de Jeanne, l'épouse de Maurice, lancent leur canard enchaîné, aujourd'hui centenaire et toujours en pleine forme. Autant en emporte l'histoire, Stéphanie Duncan. Bernard Comand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, éditeur, vous venez de diriger la publication au seuil d'un magnifique album, Le Canard Enchaîné, 100 ans, un siècle d'articles et de dessins, des articles et des dessins choisis par vous et par l'historien Laurent Martin. Alors nous connaissons bien sûr la fin de l'histoire, enfin la fin en tout cas, la fin actuelle. En 2016, Le Canard Enchaîné fait partie de notre quotidien, notre quotidien hebdomadaire du mercredi. Mais à l'époque, et bon, il y avait déjà eu un premier lancement en octobre 1915, qui au bout de 5 numéros avait fait un flop. Et quand Maurice Maréchal relance l'expérience, donc en juillet 1916, à votre avis, est-ce qu'il peut imaginer que son canard va lui survivre aussi longtemps ? Oh, sans doute pas, parce que précisément il était porteur de ce premier échec, entre guillemets. Il faut quand même se rendre compte de l'énormité du contre-pied que prend ce journal, parce que on est dans un climat d'abord qui ne porte pas vraiment à la rigolade. On est quand même à un moment d'acmé de la Première Guerre mondiale, il y a des centaines de milliers de morts déjà. Faire rire dans ces conditions, c'est évidemment une chose extrêmement difficile. Mais c'est précisément cette difficulté dont Maréchal et Gassier font le pari. C'est-à-dire que, au fond, rien n'est pire dans les conditions tragiques que l'esprit de sérieux qui, au fond, souvent n'est pas très sérieux parce que c'est du bourrage de crâne, c'est de la propagande. Et par un effort de l'esprit, eh bien, ils vont renverser, puisque d'emblée, ils affirment qu'ils ne vont dire que des mensonges. Et ça dit bien ce que va être, au fond, l'esprit du canard. C'est-à-dire que, sous couvert de dire des mensonges, eh bien, ils disent, eux, la vérité, alors que bien des journaux, la quasi-totalité des journaux, qui se targuent à longueur de page à l'époque de dire la vérité, ne font, eux, bien entendu, que dire des vérités officielles qui sont souvent des mensonges. Et il y a des perles absolument incroyables dans la presse de l'époque. Donc, quelques c'est difficile. Perles, justement, vous en c'est... avez en tête Oui, bah, précisément, si vous voulez, en gros, les Allemands sont nuls, leur équipement est nul, leurs balles fondent en l'air. Ouais, les balles traversent les chairs de nos poilus, mais ne font aucune déchirure. Voilà, des choses comme bon, ça. Et les caves de Verdun sont confortables. Si les soldats meurent, c'est joyeusement, et on dit que les projectiles, évidemment, ennemis n'ont aucune efficacité. Alors, tout ça prête à sourire aujourd'hui, mais il faut bien voir qu'à l'époque, eh bien, c'était le bain quotidien dans lequel était baignée la population. Et donc, prendre le contre-pied de ça, c'était effectivement un pari extrêmement audacieux. Pari tenté une première fois en septembre 1915, il y a 5 numéros à ce moment-là, qui sortent environ tous les 10 jours. Maréchal dira mauvais papier, mauvais format. Bon, ils abandonnent au bout de 5 numéros. Mais ils reprennent des forces et accompagnés de ce formidable dessinateur qui est Henri-Paul Gassier. C'est Maurice... lui qui a dessiné le petit canard qui sera à la une du canard. Le premier canard, c'est lui. Et ce journal va se relancer dans un jeu, évidemment, avec la censure, parce que non seulement il y a la propagande dont il faut prendre le contre-pied, mais il y a la censure qui veille, qui contrôle tous les papiers. Avec le fameux capitaine Nusillard. Avec le fameux capitaine Nusillard, mais surtout avec la figure allégorique d'Anastasie. Anastasie avec sa paire de ciseaux qui coupe. Qui est-ce qui a inventé ce personnage d'Anastasie? C'est le canard enchaîné ou ça existait déjà? Non, je crois que ça existait déjà. C'est une figure de l'époque sur la censure, et évidemment le canard en fait bon usage puisqu'il la caricature toujours avec sa paire de ciseaux, c'est une vieille dame un peu revêche, et le canard ménage des colonnes en blanc dans son journal, c'est d'ailleurs esthétiquement assez beau, pour ironiser sur ses effets de censure, et puis parfois prend des détours, puisqu'à un moment donné un article refusé est proposé à un autre journal qui n'a pas sans doute le même censeur, ou qui n'agite pas les mêmes peurs, et comme cet article est paru dans un autre journal, eh bien il est repris la semaine suivante dans le canard, au grand dam des censeurs. Donc il y a tout ce jeu là-dessus, et je crois que cette capacité à rire dans les moments tragiques est la caractéristique essentielle du canard enchaîné, et quelque chose qui est une spécificité française, je dirais presque une spécificité voltairienne, et je crois que avoir la capacité d'interroger par le rire les moments les plus opaques de l'histoire, où précisément l'opinion publique est manœuvrée et transportée par les grands efforts de la propagande, eh bien c'est extrêmement salutaire. Et sans doute que Maurice Maréchal ne pensait pas forcément que son journal serait un jour centenaire, mais on en est, nous, héritiers lointains, très heureux. Oui, on espère que ça va durer. Bernard Comment, nous nous retrouvons dans une demi-heure, tout de suite 1916, La naissance du canard enchaîné, un texte spécialement écrit pour Autant en emporte l'histoire par Jean-Yves Naour, historien et non moins écrivain. La réalisation est signée Cédric Aussire et le rôle principal est tenu par Jacques Bonafé. Je suis le capitaine Nusillard, chef de la censure. J'aurais bien voulu aller au front et de mon bureau larguer les amarres. Mais voilà, me battre à la baïonnette n'est pas mon devoir. Ma tranchée à moi n'est pas à la dure, ce n'est pas un gourbi, plutôt un placard. Je veille sur le bon moral du pays, de l'opinion je mesure la température. Je souffle pour la refroidir et dans les journaux pour ne pas l'énerver, je multiplie les coupures. Oh, je sais bien ce que vous pensez. Vous vous dites, eh bien voilà un drôle d'embusqué. Un gars qui ne veut pas y aller, un malin, un filou, un coquin qui sait trouver une planque pour se défiler, se débiner, se défausser. Vous vous trompez. Si d'Anastasie, dame censure, je suis le mari, c'est tout simplement pour mieux servir la patrie. Qu'on me traite d'embusqué, mon Dieu, quelle fausseté! Car moi aussi, je suis à mon poste. Mon flingot, ce sont mes ciseaux, mon crapouillot, les stylos, mes cartouches, les retouches, mon quart de pinard, un flacon d'encre noire, mon couteau, les pinceaux, ma grosse artillerie, la saisie, mes réserves de munitions, 15 jours de suspension, mon avancement, le blanchiment, l'avertissement. Qu'on me traite d'embusqué, quelle incongruité! Moi qui tous les soirs, tous les matins, à l'aube où blanchissent les articles, au crépuscule où noircissent les chroniques, je monte à l'assaut des journaux, je mène l'offensive contre les rotatives. Mon champ de bataille, c'est l'éditorial. Mes Champs-Élysées, les entrefilés, mes grands cimetières sous la lune, les cinq colonnes à la une. D'ailleurs, je dois vous laisser, d'une nouvelle feuille, je dois m'occuper. Un journal bizarre, un hebdomadaire paraissant le mercredi dont je n'apprécie pas l'ironie. Il s'appelle, je crois, Le Canard. Gare au volatile, s'il n'est pas docile, je lui volerai dans les plumes, foi de Nusillard. Le Canard, en argot, cela désigne une nouvelle, vraie ou fausse, mais pas toujours un bobard. Par extension, canard est devenu synonyme de journal. Une expression populaire que n'aime pas la bonne presse parisienne, mais qu'affectionnent les journaux de tranchées. ses feuilles éphémères, parfois renéotypées, imprimées à l'arrière des lignes par les soldats eux-mêmes et qui ne se prennent pas au sérieux. À côté du beau chauffage ou du rigole-boche ou de l'écho des marmites, apparaissent ainsi le canard du boyau ou encore le canard poilu. Mais attention, le canard enchaîné n'est pas un journal de tranchées. C'est un hebdomadaire conçu et fabriqué à Paris, avec le ton léger et mordant qui caractérise la presse du front. D'entrée, le canard enchaîné annonce la couleur. Il sera populaire, gouailleur, gavroche, ironique et même impertinent. Oui, canard. Bon, canard, oui, admettons. Mais pourquoi enchaîner ? J'y vois là comme une provocation, comme un défi à la censure que je dirige. Et voyez-vous, cela ne me plaît pas du tout. Des fiches de police, vite ! Avant toute chose, je veux savoir à quel animal j'ai affaire. C'est simple. Un canard est un palmipède, un oiseau de la famille des ansériformes, au bec plat et aux pattes palmées et... Non. Quand je dis « je veux tout savoir sur cet animal », je parle du directeur de ce journal. Le dénommé Maurice Maréchal. Je veux tout connaître de cet individu, ses opinions, son tour de taille, ses vices, ses passions. Alors, voyons ce que dit l'enquête policière. Fils de fonctionnaire des eaux et forêts. Oui, très bien. Ah, il a 33 ans, le gredin. 33 ans. L'embusqué. Un homme dans la force de l'âge. Quand on pense qu'on manque d'hommes aux tranchées, qu'il y a des gens assez lâches pour se cacher dans un bureau, ben moi ça me révolte, ça m'agace, ça m'indigne. Je n'y peux rien, ça me chamboule, c'est comme ça. Ah, il est cardiaque. Réformé, oui, bon. Encore un qui a trouvé une bonne excuse pour ne pas faire son devoir. Enfin, passons. De grande taille, fine moustache, corpulent, il mange comme un ogre et boit comme un trou. Qu'est-ce que c'est que ces renseignements à la noix ? Plus intéressant, il a travaillé avant-guerre dans des journaux d'extrême-gauche. La guerre sociale et le bonnet rouge. La guerre sociale. Ce ne serait pas le journal de cet antimilitariste Gustave Hervé ? Professeur d'histoire révoqué pour antimilitarisme, Gustave Hervé s'est reconverti dans le journalisme révolutionnaire. Membre du bureau du Parti socialiste, il en anime la tendance insurrectionnaliste et s'oppose à la ligne parlementaire de Jaurès. Avec la guerre, toutefois, il retourne sa veste. Et d'ardent révolutionnaire qu'il était, il devient ultra-patriote, jusqu'à rompre avec le Parti socialiste, qui de toute façon finit par l'exclure. Signe de sa conversion au nationalisme, et à un socialisme national qui le mènera plus tard droit au fascisme, il débattit son journal « La guerre sociale » pour le renommer « La guerre », puis « La victoire ». C'est sûr, depuis la guerre, celui-là ne nous pose plus de problème. Un bel exemple de repenti, un révolutionnaire devenu patriote. Et pour le bonnet rouge, c'est à peu près la même chose. La guerre accomplit décidément des miracles. Deo gracias. Mais ce canard enchaîné ne me dit rien qui vaille. Je vais me rendre directement sur place pour voir de quoi il retourne. 38 rue de Bondy. Nous y sommes. Un immeuble d'habitation. Franchement, on ne dirait pas qu'il y a ici un journal. C'est une blague, ma parole. Oui ? Excusez-moi, je suis chef de la censure. C'est bien ici la direction du canard enchaîné ? Tout à fait. Un journal, ici ? Dans un modeste appartement ? Un trois pièces cuisine pour accoucher d'un journal, c'est au moins aussi bien qu'une étable pour accueillir le Messie. Tenez, entrez donc. Je vais vous faire la visite. Là, dans l'entrée, c'est le service des abonnements, tenu par ma femme. Dans la cuisine, c'est la composition. Un petit apéritif, peut-être ? Et dans la salle à manger, c'est la salle de rédaction. Eh bien, voilà un hebdomadaire qui n'est pas bien riche. Vous savez, dans les grands quotidiens, un de mes censeurs est installé à demeure pour aller plus vite et éviter les va-et-vient. Il a son petit bureau aménagé. Chez vous, je ne vois pas où on pourrait l'installer. Pourquoi pas sur le palier, dans les toilettes ? Trêve de plaisanterie. Je suis venu en ami pour une visite de courtoisie et pour vous prodiguer mes conseils éclairés. Tenez votre titre. Canard, bon, si vous y tenez, d'accord. Mais enchaîné, non. La presse en guerre n'est pas dans les chaînes, voyons. Tiens donc, si vous n'aimez pas le titre, peut-être pouvez-vous nous en proposer un autre ? Et puis tant qu'on y est, vous serez assez aimable pour nous dire ce que nous devons écrire dedans. Monsieur, votre confiance m'honore. Alors, puisque vous me priez, je ne manquerai pas de vous faire part de mes suggestions. Vous demandez l'aide des censeurs ? Maréchal, nous voilà. Un jeune journaliste comme vous a toujours besoin d'un tuteur, c'est évident. Ah oui. La tutelle, c'est votre conception de la liberté de la presse. Mais mon ami, je vous le répète, la presse en France est entièrement libre. Cependant. Totalement libre. Toutefois. Intégralement libre. Tout de même. Mais quoi ? Enfin, monsieur, puisque je vous dis que vous pouvez tout imprimer librement, pourvu que vous ne parliez ni du gouvernement, ni du commandement, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des mouvements des troupes, ni de la paix, ni des blessés, ni des prisonniers, ni des défaites quand elles sont nôtres, ni des victoires quand elles sont des autres. Bah, cette minuscule réserve mise à part, vous pouvez écrire et publier en toute liberté, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs, naturellement. Ah, mais voilà, rassuré. Mais puisque la presse est libre, dites-moi, à quoi servez-vous à la censure ? Il me demande à quoi je sers. Mais enfin, à protéger la liberté dont des coquins pourraient être tentés d'abuser. Tel que vous me voyez, je suis le gardien de la liberté. Et au lieu de nous la garder, ne pourriez-vous pas nous la foutre ? Oh, quel esprit caustique ! Je sens que nous allons passer de bons moments, vous et moi. Si, vous me plaisez. Non, ne me raccompagnez pas, je connais la sortie. Dans un 3 pièces, il n'y a pas de quoi se perdre. Si vous permettez, quelque chose me chagrine. J'ai vu que vous aviez longtemps travaillé dans des organes, révolutionnaire. Et je tiens à vous avertir qu'à l'heure de l'union sacrée, ces idées sont mal portées. Tranquillisez-vous. Nous nous en prendrons seulement aux profiteurs, aux bourreurs de crâne, aux militaristes, aux patriotards, aux vat-en-guerre et aux grenouilles de bénitier. Pas de quoi fouetter un palmipède. Oh, vous êtes drôle. Nous allons bien rire. Et dire que j'ai cru que votre canard allait rimer avec anard. Connard. Pardon ? Canard. Canard, c'est son nom, canard. Oui, je sais bien, mon brave. Ben vous me plaisez, vous savez. Et parce que je vous ai à la bonne, je vais vous donner un conseil. Changez de titre. Canard enchaîné. Ah non, ce n'est pas bon. C'est pas formidable. Ça marchera jamais, ça, canard enchaîné. Un canard enchaîné. Non, ça n'a pas de sens. Ça ne marchera jamais. Enchaîné, canard. Le capitaine Nusillard n'a pas tort de se méfier. En s'intitulant « Enchaîné », le canard fait explicitement référence à la censure qui surveille la presse de très près. Il se place aussi dans le sillage du journal de Clémenceau, L'Homme libre, rebaptisé L'Homme enchaîné en octobre 1914 après avoir été frappé de 8 jours de suspension. L'article sur des blessés évacués et laissés sans soins n'avait pas plu aux autorités. Plutôt que d'améliorer le service de santé et la prise en charge des malades et des blessés, on avait préféré bâillonner celui qui osait protester. C'était plus simple. Après L'Homme enchaîné, qui vomit la censure à chaque édition, Le Canard est donc le second journal à faire état des chaînes de la censure dans son titre. Et cela ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, au capitaine Nusillard. Ah, les gredins ! Journal humoristique paraissant le mercredi. Je t'en foutrais, l'humoristique. Il se paie ma tête, oui. De l'humour, ce dessin qui représente un canard attaché par le cou qui fait face à une main tenant une paire de ciseaux et qui dit « Tu auras mes plumes, tu n'auras pas ma peau. » Non. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Une provocation, une excitation, un défi, une agression, voilà ce que c'est. Attention, s'il me déclare la guerre, ce canard, je vais en faire du pâté. Excusez-moi, monsieur Maréchal, de débarquer de nouveau dans votre appartement. Ne vous excusez pas, je suis ce qu'on appelle un maréchal du logis. Monsieur, vos pitreries ne me font plus rire du tout. Votre premier numéro, c'est inacceptable. Comme vous y allez. Ce dessin-là d'un canard qui lutte contre une paire de ciseaux. Et si c'est entrefilé sur les nouvelles de la guerre coloniale qui nous apprend que les troupes anglaises du bas Oubangué ont occupé le haut Oubangué et les troupes allemandes du haut Oubangué ont occupé le bas Oubangué, c'est scandaleux. Cela n'a ni queue ni tête, et c'est de la désinformation. Ah oui, de la désinformation pure. Ah, mais tout à fait, mon capitaine, vous avez tout compris, et nous le revendiquons. C'est même écrit dans notre éditorial. Le canard enchaîné a décidé de faire le plus large accueil aux nouvelles fausses. Chacun sait que la presse française, sans exception, n'offre à ses lecteurs depuis le début de la guerre que des nouvelles implacablement vraies. Eh bien, le public en a assez. Il veut des nouvelles fausses pour changer. Il en aura. Non, mais vous moquez. Pas du tout. Vous cherchez la guerre. Vous cherchez le conflit. Vous allez l'avoir. S'il vous plaît, pas de conflit de canard. Je vous briserai les ailes. Je vous casserai les pattes. En attendant, vous nous cassez les pieds. Bon, arrêtez avec votre humour. Il y a des limites à tout, vous savez. Non, il n'y a pas de limite à l'humour. C'est ce que disait Cabu dans une interview à l'Express. L'humour n'a pas de barrière parce qu'il est au service de la liberté d'expression. Oh, quelle audace. Vous savez bien que nous sommes en 1916 et que Cabu n'est pas encore né. Alors arrêtez de m'embrouiller. Et puis quoi encore? Vous allez me sortir qu'il est interdit d'interdire, comme l'affirmaient les étudiants de mai 1868 sous le Second Empire. Suffit, je vous préviens. Je vous aurai à l'œil. Je vais le décortiquer, votre canard, à l'avenir. Et vous ne m'aurez plus avec vos sourires enjôleurs, vous m'entendez? Non, je sais bien que l'avenir appartient à ceux qui ont le veto. Je ne veux plus rien entendre. Je ne vous dis pas adieu. Mais à très bientôt. Entre la censure et le canard enchaîné, on est très vite à couteau tiré. Ce n'est toutefois pas le journal le plus frappé par Anastasie, la censure au grand ciseau. Les feuilles plus politiques et ouvertement hostiles à la guerre, comme La Vague ou Le Journal du Peuple, sont bien plus régulièrement blanchies. Le canard, lui, est ciblé par une série d'avertissements et de consignes. Entrefilet injurieux pour telle politique, ironie désobligeante pour un général allié, passage tendancieux, plaisanterie inopportune, propos fâcheux, pessimistes, défaitistes. Mais dans l'ensemble, l'hebdomadaire est relativement protégé par son ironie. À le lire, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, et les censeurs sont bien embarrassés. Difficile de lutter avec la dérision, de tailler par exemple dans un article au patriotisme outrancier qui pastiche le style enflammé des va-t-en-guerre, qui en rajoute tellement dans l'esprit guerrier qu'il tourne évidemment ce dernier en ridicule. Les hommes de Nusillard ne sont pas idiots, ils voient bien que l'on se joue d'eux, mais quand ils se décident à frapper, ils passent pour des imbéciles. Le canard les fait tourner en bourrique. Mon capitaine, si j'ai fait le déplacement jusqu'à votre bureau, c'est pour faire appel à votre haute conscience. Que pensez-vous de Victor Hugo ou de Voltaire? Ma foi, ce sont de grands hommes, la fierté de nos lettres françaises. Ils sont d'ailleurs au Panthéon et la patrie leur est reconnaissante. Dans ce cas, je vous demande pourquoi vos services ont censuré plusieurs passages d'un article qui était constitué de citations de ces grands hommes. Quand le public le saura, car il le saura, quelle image la censure va-t-elle donner d'elle-même? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Nous n'avons coupé que quelques phrases qui sentaient la raillerie à plein nez et la critique à peine dissimulée. Attendez. Voyons voir. Celle-là, par exemple. C'est le propre de la censure violente d'accréditer les opinions qu'elle attaque. Mais c'est de Voltaire. Vous avez osé censurer Voltaire. Comme sous l'Ancien Régime. Oh, quel crime. Quelle faute. Et comment vouliez-vous que je sache que cette phrase était de Voltaire? Vous ne l'aviez pas signalé. J'ai encore vu le signe de votre éternel persiflage, de votre satané ricanement. Je vous demande pardon, le canard ne ricane pas. Il cancane. Mais il y a pire. Vous avez osé vous en prendre à nos illustres antiques. Ces géants sur les épaules desquels nous ne sommes que des nains. Mais qu'est-ce que vous me racontez encore? La censure pardonne aux corbeaux, poursuit les colombes et s'acharne sur les canards. C'est de Juvénal. Ah, quoi? C'est de Juvénal, ça? Ouais, enfin, nous avons juste rajouté le passage sur les canards. Ah bien, c'est de votre faute, alors. Les Français en jugeront. Tout comme il juge sévèrement l'interdiction que vous avez signifiée au théâtre qui voulait jouer Lysistrata d'Aristophane. Lysistrata, une comédie grecque d'Aristophane écrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire de femmes qui décident de faire la grève du sexe tant que les hommes font la guerre. Et puis quoi encore? Vous me prenez pour un naïf? J'ai interdit la pièce et j'ai bien fait. Et si je trouve cet Aristophane que je fais activement rechercher par toutes les polices, je le colle au trou, et plus vite que cela. Non mais c'est tout de même pas un métèque, un juif errant, un pâtre grec qui va polluer notre théâtre d'union sacrée. Et puis, votre article sur l'alcool qui tue, que vous vouliez faire paraître dans votre prochain numéro? Ah, il faut d'urgence interdire l'alcool aux tranchées, parce que nos braves poilus s'empoisonnent et meurent par dizaines de milliers de cirrhose du foie. Voilà ce que j'en fais de votre gouaillerie, de vos lazzi, de vos colibés. Et hop, tout rayé, rien ne sortira, votre une sera blanchie. Hein? Toute blanche, vous m'entendez? Toute blanche. Non mais... Ma femme, mes amis, la fin du monde est pour mercredi. Coupons le bois dont on fera le cercueil, du chêne, du cyprès, du tilleul. Tapissons-le de plumes, recouvrons-le de duvet. Et buvons une dernière fois à notre santé. Allons, Maurice, ne te laisse pas abattre. Ils veulent nous faire taire, eh bien il faut résister à l'orage. Le canard à l'orage, hein? Pardon. C'est un calembour assez faible. Que veux-tu qu'on fasse? Ils sont sur notre dos et ils ne nous lâcheront pas. Les menaces et les attaques doivent glisser sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il faut être plus malin qu'eux, plus retors, plus pervers encore. Tu es bien gentil, mais en attendant, ils vont nous blanchir. Nous blanchir? Mais oui! Voilà, nous le tenons, notre prochain article. Tu as une idée? Sur un papier, un stylo. Cet article s'appellera « La blanchisseuse impuissante ». La censure m'a complètement blanchi mon dernier article qui devait paraître ici même la semaine dernière. C'est ridicule, car il était parfaitement inoffensif et parlait d'un pays imaginaire. Enfin, je me suis inclinée, car il faut toujours céder aux gens lorsqu'ils sont plus forts que vous. Mais hier, pour ne pas être prise au dépourvu, je suis allée à la censure en demandant à Monsieur le censeur la permission de lui lire mon article préparé pour le canard. C'est une histoire toute chaste, toute blanche, lui dis-je. Bon, madame, je vous écoute. Avec un léger tremblement, la voix blanche, je lis donc cette histoire spécialement composée pour la censure. Elle s'intitule « Le bal blanc ». Il était une fois une mariée tout de blanc vêtue, avec une couronne de fleurs d'oranger sur la tête. Elle était pâle d'émotion, mais on ne voyait pas son visage caché sous un voile immaculé. Arriva le député Alexandre Blanc. Vous savez, le représentant de l'Isère. Il est connu comme le loup blanc. Il fait soif, déclara-t-il, de but en blanc. Et il fit venir un litre de blanc. Cette manifestation relativement sans gêne de la part d'un élu jeta un blanc. Tout comme le coup de feu tiré à blanc pour fêter les mariés au sortir de la mairie. Il était le fait d'un vieux militaire blanchi sous le harnais, qui buvait un verre de lait tandis que la cuisinière saignait à blanc un poulet pour le repas à venir. Tout le monde fredonnait le grand air de la dame blanche quand tout à coup, la neige se mit à tomber. Et je crois que vous vous foutez de moi, là. Mais non, monsieur le censeur, mais non. Je vis qu'il était blanc de colère. Son blanc de l'œil était injecté de sang. Il se leva pour me congédier et déclara... Moi, j'en ai assez d'entendre ces sornettes cousues de fil blanc. Votre histoire est idiote, je ne veux pas en connaître la suite. Si vous avez le toupet d'en publier une seule ligne, j'y mettrai des blancs. Vous m'entendez? J'y mettrai des blancs. Des blancs dans cette histoire? Ce serait raide, comme s'il n'y en avait pas assez. Plutôt que de m'exposer à cette humiliation, j'ai préféré m'arrêter là, de sorte que le censeur en fut pour sa menace. Et que si mon histoire n'est pas finie, du moins la censure n'a pas pu y mettre des blancs. Et elle a bien fait, parce que si elle en avait mis, on ne les verrait pas. J'en ai assez de cette bande d'anarchistes qui me roulent dans la farine. Ils me donnent mal à la tête, et si cela existait, je prendrais de l'aspirine. Mais comment voulez-vous que j'intervienne, que je coupe cet article insignifiant et grotesque? J'aurais l'air de quoi, à caviarder cette histoire abracadabrantesque? Je suis forcé d'avaler l'affront, de subir les sarcasmes. Du canard, je suis devenu la risée. Ma censure est en plein marasme. Oh, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Face à l'ironie, je suis désarmé. Mais dès que de cet oiseau sortira une parole politique déplacée, je la censurerai rageusement. Je lui donnerai des coups de ciseaux. Avec ce numéro de décembre 1916, je tiens enfin ma revanche. Je vais les mettre au pas, ces apaches, ces comanches. Le gouvernement voulant instituer un jour sans viande afin d'économiser notre cheptel, voilà ce que propose notre oiseau rebelle. Instituer un jour sans guerre. Oh, il est allé trop loin cette fois-ci. Pacifisme, carton rouge. Dans son intégralité, cet article, je le blanchis. Foustra, ils vous ont pas loupé. Un beau blanc à la une. Que voulais-tu raconter de si dangereux pour le pays? Ah, Georges, rien de bien méchant. Je me moquais du jour sans viande. J'y vantais l'imagination de nos dirigeants, leur esprit d'économie. Je leur donnais même des encouragements. Après les jours sans viande, je proposais des jours sans cinéma, sans théâtre, sans vêtements, sans harengs sort, sans sardines à l'huile. Et pour finir, une journée sans guerre. Ah, je comprends mieux. Une journée sans guerre, tu y es allé un peu fort. Mais maintenant, l'article paraît complètement amputé. Il ne reste plus que le titre. Un nouveau jour... Oh, ne nous laissons pas abattre. La censure nous met au défi. C'est à nous d'être plus malins qu'elle. Écoute, j'ai une idée. Voilà ce que je te propose. Écrivain satirique qui aime à pasticher les romans policiers, Georges de la Fouchardière est un anarchiste, adversaire déterminé de l'armée et de l'Église. Collaborateur du Canard enchaîné, il est également chroniqueur à l'œuvre et écrit régulièrement dans La Vague, un journal pacifiste et internationaliste que la censure frappe avec une ardeur quotidienne. Pour échapper aux coups de ciseaux, Georges de la Fouchardière et ses amis ont développé des qualités d'inventivité. Par exemple, un dessin qui représente la justice aux yeux bandés, assise sur un âne marchant vers un précipice, paraît ainsi dans la vague, sous le titre « La guerre », suivi en plus petit de l'impérialisme allemand. Les censeurs ne peuvent donc intervenir, même si tout le monde a compris que la critique portait sur la guerre en général et non sur l'Allemagne. Georges de la Fouchardière s'est fait une spécialité de ses tours de cochon à la censure. En 1917, lors de la révolution russe de la chute du tsar Nicolas II, il livrera dans le Canard un article étrange, composé de phrases s'enchaînant sans cohérence. La censure haussera les épaules et laissera passer, pensant qu'il s'agit d'une nouvelle lubie du volatile. Or, l'article se lit en acrostiche. En assemblant les premières lettres de chaque phrase, on peut lire « Au premier de ces messieurs, quand Nicolas sera pendu, on passera au suivant. On les aura tous, morts aux tyrans. » En décembre 1916, Georges de la Fouchardière a donc encore une idée pour se moquer de Nusillard et de ses agents. Il reprend l'article censuré du Canard enchaîné et le publie dans un autre journal, L'Œuvre, réputé sérieux, en prenant soin de le présenter comme il faut pour qu'Anastasie n'y voie que du feu. C'est très simple, tu vas voir. Je cite l'article avec des guillemets. Un jour sans viande, un jour sans graisse, un jour sans pain, c'est admirable, mais puisqu'on veut réaliser de sérieuses économies, ne serait-il pas beaucoup plus efficace d'instituer tout de suite un jour sans guerre par semaine ? Mais pour éviter les foudres de Nusillard, je fais croire qu'il émane d'un journal satirique allemand. Et je précise que la censure Bosch, qui est bête comme tout, l'a interdit. Et voilà comment le papier passe, ni vu ni connu. Après quoi, Maréchal s'en donne à cœur joie. Dans le numéro du 13 décembre 1916, il révèle le poteau rose sous ce titre joyeux. D'un tour de canard que nous avons joué à un censeur bête comme une oie. Et l'article se conclut ainsi. De cette petite histoire inoffensive, tout le monde sourira, sauf notre censeur. Peut-être lui donnera-t-elle à réfléchir et se montrera-t-il plus intelligent et plus tolérant à l'avenir. Ne coupez plus, censeur morose. Et voulez-vous, chantons en chœur, la guerre avec toutes ses roses, la paix et toutes ses horreurs. Vous avez donc décidé de me pourrir la vie ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je suis un honnête censeur, moi. Vous m'avez ridiculisé, vous m'avez piétiné. Vous avez bravé mon courroux, vous cherchez à me faire devenir fou, mais je ne rends pas les armes, satané canard. Je te plumerai, tu m'entends ? Je te plumerai. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Non, suffit. Suffit. Je vais vous découper si vous continuez à me provoquer. Cuisiner du canard au sang. Je vais vous faire danser, moi. Une sacrée danse des canards qui, en sortant de la mare, se font fouetter le bas des reins et ne font pas coin-coin. Évidemment, vous voulez un canard domestiqué. Nous, nous sommes pour le canard sauvage. Nous ne serons jamais un canard laquais. Oh, ne peut-on pas nous entendre signer un pacte de non-agression, une trêve, un armistice? Vous voulez servir à quelque chose? Tenez, vous ferez l'avocat de la défense. L'avocat de la défense? Mais de quoi vous me parlez ? Mesdames, messieurs, je déclare le tribunal des bourreurs de crâne ouvert. Monsieur le procureur de la Fouchardière, citez les accusés. Hein ? Bien. Quoi ? Mais je n'ai pas été prévenu, je n'ai pas les dossiers, je ne suis pas avocat. Et monsieur le président, nous jugeons ici deux hommes parmi les plus détestables de toute la tribu des bourreurs de crâne. J'ai nommé le député académicien Maurice Barrès et le journaliste Gustave Hervé, ancien pacifiste devenu zélé pourvoyeur des champs d'horreur. Objection, monsieur le président. Il s'agit là d'individus patriotes, honorés et bien sous tout rapport. Ils ne peuvent en aucun cas être déférés devant une cour pour quel crime d'ailleurs ? Mais ils sont tout simplement accusés de tremper leurs plumes dans le sang pour célébrer le sacrifice des autres. Maurice Barrès, chantre du nationalisme, président de la Ligue des Patriotes, apôtre de la revanche, héros de la guerre fraîche et joyeuse. Vous avez les pieds au chaud quand nos poilus gèlent dans les tranchées. Gustave Hervé, vous affirmez que mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie, quand tous les soirs vous couchez dans votre lit douillet. Embusqués indignes, vous qui supplantez bientôt Mathusalem dans la longévité, vous encouragez au massacre en vous refusant d'y aller. Non, non, non, non, ces braves gens servent le pays. En août 1914, à l'heure de la mobilisation, Barrès n'a-t-il pas, devant une assemblée de témoins, annoncé courageusement qu'il s'engageait? Ah oui, il a dit « Je m'engage à écrire un article par jour dans l'Écho de Paris ».« Je m'engage à ne plus prendre de vermouth avant d'aller au lit parce que ça ne me réussit pas ».« Je m'engage à cirer moi-même mes chaussures en acte de contrition ».« À me priver de quiche au lardon, de saucisses et de bière tant qu'on n'aura pas gagné la guerre ».« Vous exagérez. Quant à ce brave Gustave Hervé, revenu de ses erreurs d'hier, voici un extrait de la lettre ouverte qu'il adressait au ministre de la guerre le 2 août 1914. « Malgré ma myopie et mes 43 ans, écrit-il, je suis parfaitement capable de faire campagne. Je vous prie de m'incorporer par faveur spéciale dans le premier régiment d'infanterie qui partira pour la frontière. » Est-il parti, le patriotard ? Non, mais... Un myope, que voulez-vous qu'il fît ? Ah, il s'est dit qu'après tout, il était plus utile à l'arrière à exciter les Français à la mort. Accusé, je vous déclare coupable de crimes contre l'intelligence et l'humanité. Ordonnateur des pompes funèbres nationales, rossignol du carnage, soyez banni, flétri, maudits et oubliés. Ah, assez, ah, assez. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. En juin 1917, Gustave Hervé remporte le concours du grand chef de la tribu des bourreurs de crânes, un référendum organisé par le Canard enchaîné auprès de ses lecteurs. Avec 5653 voix, il ne devance Maurice Barrès que de 200 suffrages. À ceux qui s'étonnent de ne pas voir ce dernier arriver bon premier, le Canard rappelle que le député académicien, président de la Ligue des Patriotes, n'a pas attendu la guerre pour bourrer le crâne des Français. Oh ! Cette fois-ci, j'abandonne. C'est entendu, vous avez gagné la guerre. Je démissionne. Écrivez ce que vous voulez, je m'en moque. Je ne couperai plus. Je suis tombé sur un bec. Je me suis fait canarder. Je me rends, je lève le drapeau blanc. Ah non, plus de blanc. Bon, promis. À quelques petites exceptions près tout de même, pour rester bons amis. Attention, ne soufflez pas le chaud et le froid. Là. Je n'aime pas le froid de canard. Je m'engage à ne plus caviarder votre ironie, vos plaisanteries, vos taquineries. Top là, camarade. Canard qui s'en dédie. Mais attention, si tu coupes, j'annule tout. En novembre 1917, Georges Clemenceau devient président du Conseil. L'homme qui avait toujours pourfendu la censure allait-il la supprimer ? Nusillard s'en inquiète, mais le tigre le rassure. « Supprimer la censure ? Vous n'y pensez pas. Vous êtes mes meilleurs gendarmes, lui répond le chef du gouvernement. » La presse reste donc sous surveillance. Et si l'homme enchaîné redevient l'homme libre, le canard, lui, reste enchaîné. Mais ses chaînes, il les brise à sa manière. À coups d'ironie, de fiel et de moquerie, d'habiles contorsions humoristiques, difficiles à arrêter sans se couvrir de ridicule. Le canard enchaîné ne plaît pas à tout le monde, c'est qu'il est fait pour ça. Proclame le palmipède dans ses manchettes. Ou encore, le canard enchaîné sait ce qu'il dit, mais il dit aussi ce qu'il ne sait pas. Et même quand Nusillard baisse les bras, qu'Anastasie, dégoûtée, regarde ailleurs, les ciseaux lui en tombant des doigts, l'hebdomadaire revient à la charge, pour le plaisir, pour l'hygiène, pour les rendre tous barges et les forcer à capituler devant la liberté. Monsieur Maréchal, s'il vous plaît, non, vous ne jouez pas le jeu. Comment cela ? Mais cet article-là, vous l'avez blanchi vous-même. Attendez voir. Il était une fois un homme intelligent et courageux qui... 12 lignes censurées. Dans ses conjectures, il n'hésita pas, il se rendit en hâte au... 21 lignes censurées. Nom de Dieu, dit la princesse, est-ce que vous croyez que... 17 lignes censurées. Voilà, c'était notre devoir de le dire, et la censure ne nous empêchera pas de... 4 lignes censurées. Eh ben, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Puisque vous nous laissez tranquille à la censure, il faut bien que nous fassions le travail nous-mêmes. Non, s'il vous plaît, ne me persécutez pas. C'est pas gentil. Puisque je vous avais dit que je ne vous dérangerai plus, laissez-nous faire notre travail en paix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Le 11 novembre 1918, la guerre prend fin. L'armistice est signé. Le canard se fend d'un grand ouf à sa une. Désormais au chômage, le capitaine Nusillard, promu commandant, vient frapper à la porte du canard. Monsieur Maréchal, je me disais, maintenant qu'il n'y a plus de guerre ni de censure et que votre journal a pris son envol, peut-être auriez-vous une petite place pour moi ? Mais tout à fait. Je vous bombarde, relecteur. Je connais vos talents et votre ténacité. Je suis certain qu'aucune faute d'orthographe ne vous échappera. Oh, merci, monsieur le directeur. Les fautes, je les traquerai. Je les poursuivrai. Je les exterminerai. Et pan sur le bec. Foi de Nusillard. « 1916, la naissance du canard enchaîné » de Jean-Yves Le Naour, avec Jacques Bonafé, le capitaine Nusillard, Barthélémy Méridienne, Maurice Maréchal, Émeline Bayard, Jeanne Maréchal et Guillaume Durieux, Georges de la Fouchardière. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond et Lucas Vaillant. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Cédric Aussire. Dans quelques minutes, nous poursuivons la discussion sur le canard enchaîné avec mon invité Bernard Comand. Il avait trouvé sa place, assis au chaud tout au fond de la classe, assoupi derrière son livre, lui qui se voyait vivre une autre histoire. Il faisait le minimum, pendant qu'on se cherchait un uniforme, les mêmes chaussures et le même blouson, comme les grandes gueules de la pension. Mais si on pleurait à la maison, dès qu'un professeur haussait le ton, lui se foutait de l'autorité, de leurs conseils avisés. Quand il lui disait: si tu veux réussir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, oui tu dois réagir. Contrôle ta samba. Mais la samba, ça ne se contrôle pas. Deux années au pensionnat, à gribouiller dans son agenda. J'étais pas assez intelligent pour le trouver intéressant. Puis le bac et les bancs de la fac, pour un boulot pourri à la Fnac. Un petit chef qui pensait changer le monde, a donné des ordres à la ronde. Et qui lui disait: si tu veux t'enrichir, contrôle ta samba, il faut te ressaisir. Contrôle ta samba, ou bien sinon je te vire. Contrôle ta samba. Mais la samba, ça ne se contrôle pas. Contrôle ta samba de Séverin et Philippe Catherine sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Mathias Aléon. Bernard Comand, vous avez donc dirigé la publication de l'album pour les 100 ans du Canard enchaîné. Vous avez eu entre les mains le premier numéro du Canard. Oui, oui, je l'ai eu. C'est un 4 pages, évidemment assez fragile. Et c'était une grande émotion d'avoir ça dans les mains, parce que on trouve déjà l'ensemble des caractéristiques du journal, qui évidemment va évoluer avec le temps, va d'une certaine façon s'enrichir dans ses rubriques. Mais il y a déjà ce ton qui est fait à la fois d'antiphrase et de concision. Je crois que c'est un des éléments importants aussi du succès du Canard enchaîné, c'est que il y a une élégance de style qui fait que, contrairement à ce qui se pratique souvent dans la presse, eh bien, on va à l'essentiel et on essaye de resserrer à chaque fois la phrase. Et de fait, à chaque fois, sur 4 pages, on a l'impression de lire beaucoup et presque l'équivalent d'un journal de 20 ou 30 ou 40 pages. En plus, c'est un hebdomadaire, mais souvent on met une semaine à le lire. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière, et puis les dessins sont drôles, les légendes sont drôles, les textes, il faut bien les savourer, parce qu'ils ont souvent beaucoup d'allusions, beaucoup de jeux de mots. Et donc, c'est un vrai travail stylistique, le Canard enchaîné. Il y a déjà des contrepétries en 1916? Il n'y a pas encore tout de suite de contre-pétrie, mais enfin, il y a, une élégance de style. Et il y a cette concision, précisément, qui fait qu'on arrive à faire rire des choses les plus tristes. Et il y a des rubriques qui existent toujours, hein, la mare au canard, par exemple, elle existe déjà en 1916. Absolument, oui, c'est, les choses sont plantées assez vite, elles vont évidemment là aussi évoluer. Une des grandes évolutions, c'est évidemment le passage à l'investigation. Alors ça, ce sera bien plus tard, voilà, oui, dans les années 60. Mais même dans ce passage à l'investigation, il n'y aura jamais l'oubli de l'humour. Mais est-ce que le Canard enchaîné, on peut dire que c'est un journal pacifiste? Parce qu'il y en a eu des journaux pacifistes, antimilitaristes pendant la Première Guerre mondiale, mais est-ce qu'on peut dire ça du Canard enchaîné? C'est un journal fait par des pacifistes, porté par un esprit pacifiste, mais qui ne va pas du tout dans le sens de souhaiter, par exemple, une victoire de l'Allemagne pour mettre fin au conflit. C'est quand même patriote. C'est quand même un journal patriote, mais qui dénonce les excès du patriotisme et qui n'est pas aveugle sur les effets de déflagration d'un conflit mondial et sur le fait que, évidemment, les victimes se comptent par centaines de milliers et c'est souvent des gens qu'on a envoyés au front. Alors que à l'arrière, eh bien, il y a les bouts en guerre, les embusqués, et puis il y a les faiseurs d'affaires. Oui, le Canard enchaîné est un journal indépendant des pouvoirs économiques. Il n'y a pas de publicité, et ça depuis 100 ans. Alors ça, c'est une des grandes forces, c'est que malgré plusieurs tentatives d'achat, de rachat par des groupes ou par des puissances financières, le Canard enchaîné ne s'est jamais vendu à quelqu'un d'autre que lui-même, à savoir sa propre rédaction, et pour ne pas avoir à le faire, a toujours refusé la moindre publicité, dont on sait qu'elle est toujours un affaiblissement potentiel d'une indépendance. Et donc, au fil des ans, même s'il a connu des moments plus difficiles, et notamment dans les années 50, eh bien, le Canard enchaîné a constitué un trésor de guerre qui lui permet aujourd'hui encore de traverser des périodes difficiles, tout en maintenant sa stricte indépendance qui passe justement par une totale autonomie en termes de publicité ou d'intervention extérieure. Ce qu'on voit bien aussi dans cette fiction, il me semble, c'est la bonne humeur qui règne dans cette rédaction. Bon, je pense qu'il doit y avoir des coups de gueule aussi, mais quand on voit Maurice Maréchal dans sa cuisine avec Jeanne aussi, c'est un personnage dont on parle pas souvent, Jeanne Maréchal, sa femme qui, au début du Canard enchaîné, allait elle-même à bicyclette apporter les journaux aux abonnés parisiens, une femme assez étonnante d'ailleurs physiquement, assez plantureuse, avec un accroche-cœur au milieu du front. Puis cette ambiance donc de on mange, on boit, on rigole, tout en faisant la conférence de rédaction. C'est quelque chose qui a alors, longtemps perduré. Il y a Jeanne Maréchal, que vous décrivez très bien. Il y a aussi Maurice Maréchal, hein, qui est un colosse. C'est un personnage comme ça, très fort et c'est fort elle en qui gueule, a repris. C'est elle qui a repris la direction du journal quand il est mort, son mari. Donc, oui, c'est elle qui en a garanti l'autonomie et qui en a donné les clés à la rédaction. Puisqu'il y a un principe qui fait que quand vous entrez au Canard enchaîné, vous devenez actionnaire. Mais quand vous en partez, vous rendez vos actions. Donc ce journal est actionnaire de lui-même, mais avec des actions qui ne valent rien. Donc c'est un système extrêmement habile qui garantit de l'intrusion extérieure. Donc il y a un fort esprit d'équipe. Alors c'est des caractères. C'est des personnalités très fortes. On peut imaginer qu'il y a parfois des mots, mais derrière les éventuels conflits, il y en a eu quand même, précisément sur la question du pacifisme. Dans les années 30, c'est une question qui est posée en termes extrêmement douloureux, souvent par rapport à la guerre d'Espagne, par exemple. Il y a les tenants d'un pacifisme rigoureux, disant on ne va pas mettre le doigt dans un engrenage qui conduira fatalement à une nouvelle guerre mondiale, donc pas d'intervention en Espagne pour aider les républicains, et d'autres qui, au contraire, disent on ne peut pas laisser le fascisme impuni, et il faut, à un moment donné, poser des limites. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et sera accusé aussi par certains d'être trop proche du Parti communiste. Oui, alors après, il y a les incointances. C'est un journal qui a toujours eu un certain nombre de ses membres qui était proche des milieux de la gauche syndicale, de la gauche communiste parfois. Mais je crois qu'il a toujours réussi aussi à observer justement le maintien de son autonomie et à ne pas se laisser entraîner par quelque effet de propagande que ce soit, aussi bien vers sa droite que vers sa gauche. Aujourd'hui, on dénonce beaucoup, on l'entend souvent, là, on dénonce la concentration de la presse dans quelques mains, dans des pouvoirs économiques. Est-ce que le Canard enchaîné ne peut pas servir de modèle aussi pour d'autres journaux, d'autres périodiques ? Oui, il faudrait qu'il serve de modèle, mais vous savez bien que c'est tout le problème de la publicité. C'est assez facile d'y aller, c'est beaucoup plus difficile d'en revenir. Et donc, on pourrait souhaiter la fondation de nouveaux modèles économiques d'information qui se garantissent, comme l'a fait très bien le Canard enchaîné, de toute détermination, influence extérieure. C'est vrai que le paysage général aujourd'hui des moyens d'information s'est considérablement dégradé. Et on voit bien la tentation et les tentatives d'un certain nombre de puissants dans l'ordre de l'industrie ou de la finance qui veulent, une fois qu'ils ont acheté des moyens d'information, eh bien, influencer ces moyens d'information dans le sens qui leur est favorable. En rappelant cette histoire, difficile de ne pas penser à un autre canard satirique, bien sûr, Charlie Hebdo, hein, en particulier à Cabu, qui travaillait aussi au Canard enchaîné. C'est la liberté, l'humour, ça ne plaît pas à tout le monde. Bah, bien sûr, hein. On sait que précisément une forme d'humour a pour caractéristique d'ulcérer les puissances politiques, les puissances religieuses et tous les gens qui sont dans l'intolérance. Le Canard enchaîné en a payé le prix, Charlie Hebdo a payé un prix colossal à la réunion... Fatal de Charlie Hebdo était présent, entre autres, Cabu, qui était aussi un collaborateur de longue date du Canard enchaîné. Et on reproduit d'ailleurs plusieurs pages dans le livre du numéro qui a suivi, qui, avec une extraordinaire, je trouve, dignité, eh bien marque ce deuil extrêmement triste, extrêmement douloureux, mais... Et c'est le plus bel hommage qui pouvait être fait à Cabu, garde précisément le sens de l'humour et de la dérision. Merci beaucoup Bernard Comant. L'album Le Canard enchaîné, 100 ans, un siècle d'articles et dessins publiés au Seuil. À lire également de Laurent Martin, Le Canard enchaîné ou Les fortunes de la vertu chez Flammarion. Et aussi par l'auteur de la fiction, l'historien Jean-Yves Le Naour, la série consacrée à la Première Guerre mondiale, l'excellente série dont le dernier numéro 1918 vient de sortir chez Perrin. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez réécouter Édouard Buguet, le photographe des fantômes, La maladie numéro 9 ou encore Le mystère de la Marie-Céleste. La semaine prochaine, changement de décor, nous partirons à Vienne en 1939, au 19 de la Berggasse où habitait Sigmund Freud et sa famille. Au lendemain de l'Anschluss par Hitler, alors que l'antisémitisme se déchaîne dans les rues de Vienne, le père de la psychanalyse réussira-t-il à quitter l'Autriche ? Une histoire vue à travers le regard de sa fille Anna Freud. Anna Freud face au nazisme, c'est dimanche prochain donc. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.